Doncs anirem acabant aquest repàs amb aquest disc, aquesta Matrioshka de Jeremy Fregot, que ens aporta les seves cançons. Després dels tres senzills, L'Homme Nouveau, que és el darrer que hem escoltat, una darrera peça que he triat especialment d'aquest disc, La Lluna, i Tu, una meravellosa mostra de la seva música, s'ha acompanyat al començament, música d'actualitat, a Hola La Music. À juste titre, un juste ciel m'a saisi comme l'amour, la révélation qui se mêle pour toujours. Derrière mon front se dessine toute la souplesse du bonheur. S'émouvoir d'un rien s'illumine pour exploser mon cœur. La lune te comprendra comme une terre et son soleil. Ce qui compte, c'est ce que t'es toi. Être heureux peut tomber du ciel. J'en ai eu des idées qui brillent et j'ai crié pour celles qui brouillent. Maintenant tout devient possible, je n'en ai plus la trouille. De la plus simple des couleurs au plus compliqué des sourires, je m'émerveille du bonheur et laisse mon cœur s'ouvrir. La lune te comprendra comme une terre et son soleil. Ce qui compte, c'est ce que t'es toi. Être heureux peut tomber du ciel. La lune te comprendra comme une terre et son soleil. Ce qui compte, c'est ce que t'es toi. Être heureux peut tomber du ciel. À juste titre, dans le ciel, j'ai vu cet astre de nuit. Vouloir embrasser une planète était sa seule envie. Un regard d'enfant qui me reste et j'ai compris que c'était lui. Faisant de ma vie une ivresse, la remplie de poésie. La lune te comprendra comme une terre et son soleil. Ce qui compte, c'est ce que t'es toi. Être heureux peut tomber du ciel. La lune te comprendra comme une terre et son soleil. Ce qui compte, c'est ce que t'es toi. Être heureux peut tomber du ciel. De la música d'en Jeremy Fregot passem a la música de la Lara Fabian, però no dels seus grans èxits, almenys en principi, sinó d'altres temes que ella ha interpretat, com per exemple a través d'aquest àlbum que avui vull repassar. La Lara Fabian, una d'aquestes grans artistes, recordem, del món de la música, no només francesa sinó internacional. De fet, ella és italo-belga i ha cantat en multitud d'idiomes. Va néixer a Tebec, a Bèlgica, el 9 de gener del 1970. Avui em perdo amb l'àlbum En tot intimité, un àlbum en directe, registrat o realitzat el 14 d'octubre del 2003. D'aquest àlbum, per exemple, hi podríem escoltar com va versionar el tema del cantant Francesc Renaud, Noan Mistral Gagnant, i que ara mateix també escoltarem.

si j'ai tort, tout est plus fort que la raison. Tout est plus fort que ton nom que je redis et que j'écris sans arrêt sur les écrans de ma vie. Et j'espère que chacune des horreurs que je vois Mais je ne me suis dégagée de son emprise. Jamais. J'étais comme ensorcelée par lui. J'étais son éléphant blanc à lui. Sa chance. Mais il est parti. Il est vraiment parti. Comment des hommes et des femmes, d'ordinaire aussi clairs que nous, sont-ils capables d'un romantisme aussi absurde? De gestes inacceptables, d'une souffrance intolérable. Je vivais dans cet absolu. Que ens aportaran dues cançons interpretades amb aquest Citoman, una de les cançons que en directe ens interpretava amb aquest En Tout Intimité compacte DVD des del 2003, Lara Fabian, nom real Lara Cocart, nom de ascendència neerlandesa, com es pot veure, flamenca. Aquesta cançó la va interpretar en Mauran, es diu Tué Monotra. Parle qu'une langue, aucun

que je me lève. Respire et marche vers l'avant. Bâtisse à nouveau la grève enterrée par mes sables mouvants et me souvenir de celle qui n'existe plus vraiment. Redevenir la rebelle et la bête vaincue par l'enfant. J'y devienne à notre néant. Quand le ciel des voiles soulève en moi l'âme et les mois d'un géant. Retourner sans un geste, le pas seulement passer vraiment. Cracher sur tout ce qui blesse, ramener le futur au présent. J'y crois. Directe que ens ha portat la Lara Fabian amb aquestes quatre cançons, ha vingut a complementar una excel·lent música al costat d'en Jeremy Fragot, que ens acompanyava al principi del nostre programa. És el moment de l'Àngel Rodríguez i la seva col·laboració setmanal amb el nostre programa d'Hola La Music. Anem a veure què ens descobreix en el dia d'avui. Benvingut, Àngel. Hola, Rafael, com estàs? Avui et recomano la cantant Vita, que es veu que li encanta això de fer duets. Ja la vàrem escoltar amb el cantant Slimane i avui ho fa amb Claudio Capeo. Charlotte Gonin es fa dir artísticament Vita. Va néixer l'any 1983 a Mulhouse, a la regió històrica i cultural de l'Alsàcia. Quan només tenia 15 anys ja pujava als escenaris dels pobles de la seva regió a cantar i el seu primer àlbum el va treure l'any 2007. Avui amb Claudio Capeo podrem gaudir-la amb aquesta cançó anomenada Un peu de rêve. Comme on se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves. Ils le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Vendez-moi un peu de rêve.

jaillira du chapeau de Monsieur Loyal au moment le plus sentimental. Tous les anges et Lucifer, prévus au dessert, apportent un gâteau d'anniversaire qu'on verra de la terre comme une étincelle arriver de l'autre bout du ciel. Carnaval sans rival, la réalité, le hasard et la fatalité nous préparent dans le noir une éternité qu'il vaut mieux ne pas imaginer. J'ai l'honneur, l'avantage de vous inviter dans un univers à mon idée. Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est inventé, et si vous voulez bien m'accompagner. Fermer ses lumières, plier son chapiteau. Il a laissé ses images en arrière, dans nos cœurs bien au chaud. La caravane a repris le chemin des rêves et des chagrins. Tout est rangé dans les malles en rotin du petit magicien. Així l'hem escoltat amb aquest personatge que ens acompanyarà amb la seva música, un cantant francès nascut el 24 de juliol de 1949, un artista compromès per la seva obra en la lluita per la defensa de l'idioma francès i dels drets dels nens. També va ser alcalde de la ciutat de Plessis-sur-Marne entre el 1989 i el 2014. Molts artistes han cantat les seves cançons, que arrenquen des del 1972 amb la publicació del seu primer àlbum. Avui anirem escoltant alguna de les cançons d'aquest personatge, d'Yves Jutel, que ens acompanyarà en peces com aquesta que a continuació us oferim a Olala Music. Deux ou trois libellules en vol troublent Lucille sur le chemin de son école en pleine ville. Ces libellules en ville sont folles, se dit Lucille, qui les attrape avec un fil et puis s'envole. Deux ou trois libellules en vol portaient Lucille. Deux ou trois hirondelles en fil suivaient leur vol. Elles sont arrivées sur une île si loin de son école que les lumières de la ville sont des lucioles. Les libellules disaient, Lucille, à notre école, vois c'est facile, tu bats des cils et tu t'envoles. Comme elle prononçait ces paroles, au même instant Lucille entendit au loin dans la ville sonner l'école. Deux ou trois libellules en vol suivaient Lucille sur le chemin de son école, en pleine ville. Pressant le pas, souple et gracile, Lucille frôlait le sol, battant des cils d'un air tranquille vers son école. Pour l'emmener vers demain, lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Un enfant contre soi. Doncs sí, aquesta és possiblement Prendre un enfant, una de les cançons, si no la cançó més emblemàtica de la seva carrera artística, i aquí l'hem escoltat. Estem a la recta final del nostre espai, com hem dit, un personatge compromès, i si no, escolteu aquesta propera cançó. Aïcha, Karim, Fatima, vous êtes dans nos cœurs et n'en sortirez pas. Jamais je n'oublierai nos petits dans vos bras. Les bonheurs partagés, les fêtes et les repas. Vous avez essuyé nos larmes et nos combats. Nos rêves entremêlés en chemin, pas à pas. Nos histoires se nouent, les enfants s'éparpillent. Mais vous êtes partout sur l'album de famille. Dans les drames et la peur, vous étiez toujours là pour nous tendre le cœur et nous ouvrir les bras. Dans les flots déchaînés au plus fort des tempêtes, nous avons replanté le jardin pour la fête et cueillir tour à tour les roses et les épines, en arrosant d'amour la terre et les racines. Vous êtes dans nos cœurs à jamais jour et nuit, et j'ai mal de vos pleurs sous les peines d'aujourd'hui. Mohamed, Aïcha, Karim, Fatima,